marche le long des murs comme une âme perdue sous la pluie battante, les cheveux sur les yeux dans un endroit obscur. En attendant la lune, entends-tu ces bruits claquants sous les gouttières des rues? Tu aperçois une ombre, une fille dans la nuit sous ses cheveux blonds. Son regard s'illumine en attendant devant que la pluie, que le vent cesse jusqu'au jour levant, sans un bruit, sans une caresse. Regarde-la sourire, un ange sur son nuage. Tu rejoins son désir, et puis la nuit s'évade. Regarde-la rougir, tes mains sur son visage, sans un mot pour lui dire, à rester sous son charme. Sèche-lui ses larmes pour qu'elle soit encore plus belle, pour qu'elle ne regarde que toi. Tu es celui qu'elle aime. Cherche-lui le sens qu'elle a ton apparence, que tes mains sur les siennes se tiennent. Regarde-la sourire, un ange sur son nuage.